Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec Gaëlle. C'est une jeune fille qui vient par le biais des échanges Erasmus, comme d'habitude, et qui est originaire de Pau. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous avez parlé à nos auditeurs de votre région et vous m'avez dit que vous aviez envie de parler des Landes. Voilà, exactement. Ah, très bien. Alors, les Landes, qu'est-ce que c'est ? Alors, les Landes, donc on peut parler, premièrement, on peut se demander qu'est-ce que sont les Landes ? Donc, département ou région géographique, donc en fait, ce sont les deux. On va parler de département, donc voilà, le département 40, comme le Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, mais aussi une région géographique, donc c'est aussi la forêt des Landes qui s'étend, donc, des Landes jusqu'à la Gironde. Et même qui déborde un petit peu sur le Gers, sur le côté. Ça fait un grand, grand triangle. Voilà, la forêt Gasconne. La forêt Gasconne. Sur les cartes, on voit un très grand triangle qui dépasse largement du département des Landes. Très bien. Donc, ça y est, nous sommes situés. On sort d'Espagne, on passe la frontière, on passe par le Pays Basque, on remonte, et hop, on est dans les Landes. Voilà. Le paysage des Landes, qu'est-ce que c'est ? Donc, le paysage des Landes se caractérise par donc, les pins, les dunes et la mer. Les pins, les dunes et la mer. Un joli programme. Du vert, du bleu et du jaune. Voilà. C'est très joli. Alors, racontez-nous, comment vous la voyez, cette forêt landaise ? Qu'est-ce que vous allez nous en dire d'utile pour nos auditeurs qui ne soient pas lo que se ve siempre, las landas, los pinos ? Bueno, ¿qué más nos cuenta de las landas ? Donc, la forêt des Landes, c'est la plus grande forêt d'Europe, avec 1 million d'hectares de forêt. Mais en fait, cette forêt n'est pas une forêt naturelle, c'est une forêt plutôt construite par l'homme. Car en fait, cette zone des Landes, en fait, c'était des marécages. À cause des vents, les sables sont accumulés dans les cours d'eau qui se sont bouchés. Donc, on fait que cette région est devenue plus humide et donc improductive. Muy bien. Entonces, lo que hay que decir también a nuestros oyentes es que los bosques, la gente se piensa que todavía estamos en la Edad Media y que en Francia tenemos bosques primitivos. No hay más que a lo mejor un pequeño bosque primitivo en el norte de Francia, sino todos los bosques franceses son bosques plantados o replantados. Entonces, las Landes ha sido un bosque ya plantado, porque antes no había nada. Muy bien. Donc, les Landes, c'est une forêt plantée. Voilà. Très bien. Et donc, cette forêt plantée, c'est une idée de Napoléon III, qui, pour favoriser l'accès des classes aisées aux stations balnéaires, a embauché donc un ingénieur qui s'appelle Jules Chambrelan. Et cet ingénieur-là, donc, a pratiqué ses expérimentations, voulu sécher ces marécages pour les rendre plus accessibles. Voilà. Usted nos acaba de hablar de los balnearios, pero ¿qué tienen que ver los balnearios con Napoléon y con las Landas? A ver. Donc Napoléon, donc déjà, on peut dire qu'il a inauguré le centre balnéaire d'Arcachon. Donc, je pense que c'est pour cela que ça a attiré beaucoup de gens. Donc, on peut parler aussi de, par exemple, le centre balnéaire de Biarritz, qui a attiré beaucoup de gens grâce à la présence de l'impératrice Eugénie. Voilà, las clases pudientes, no toda la gente. Voilà, la mode vient au 19e siècle des bains de mer. Voilà. En Normandie, en Basse-Bretagne, en la Baule, en Arcachon, y después ya bajando en Biarritz. Voilà. Voilà. Donc, entonces el problema, claro, era viajar entre París y Biarritz, claro, había que pasar por las Landas. Voilà. Et donc il a fallu faire quelque chose pour assainir cette zone. Voilà. Donc peut-être je peux vous parler de comment a fait Jules Chambrelan pour sécher ces marécages. Bien sûr, dites-nous. Donc ils ont creusé des fossés qui s'appellent les crastes, qui était censé recueillir l'eau de pluie, la conduire dans des canaux jusqu'au bassin d'Arcachon. Donc voilà, pour drainer la superficie qui était une superficie sableuse. Voilà. Donc ensuite Napoléon III a décidé de distribuer des parcelles grâce au décret de 1857. Il a imposé aux propriétaires, qui sont les bergers, les communes et l'État, de planter des pins. Pour justement aider à ce drainage de, des marécages, des oui. landes. Et à fixer, fixer aussi le sol. Mmh. Voilà. Ces parcelles, elles ont été données ou il les a vendues? Il les a vendues. Il les a vendues, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. L'État ne donne jamais grand-chose. Les Estados Generosos ont pratiquement été non-existés. Voilà. Et donc, en 40 ans, on pouvait avoir une forêt productive. Exactement. Donc, voilà. Pour avoir un pain, il faut attendre entre 30 et 40 ans. Voilà. Voilà, c'est une récolte quarantenaire. Et donc, Napoléon III s'est servi de ces forêts pour l'économie locale. Donc, par exemple, la sylviculture, l'industrie. Donc, par exemple, les résiniers, par la technique du gemmage, récolter la résine. Donc, ils servaient cette résine pour extraire de la térébenthine et de la colophane, qu'ils utilisaient ensuite pour d'autres produits, comme la production de colle ou le colmatage des bateaux avec la poix. D'ailleurs, la colophane en gascon, se dit Arcanson, d'où le nom de Arcachon, la ville. Arcachon, très bien. Donc, voilà. Et la resina de los pinos, lo decimos para nuestros oyentes, es lo que sale de la corteza del pino. No es la savia, es lo que sale de la corteza del pino. Entonces, esa resina pues, es lo que servía para la industria química de la época, como materia prima, para, pues eso, para hacer pegamentos, para hacer disolventes. Muy bien. Bueno. Donc, ensuite, ils utilisaient aussi le bois des pins pour fabriquer des poteaux de mine, des chemins de fer. Des traverses. Voilà. Las travesías de los ferrocarriles. Aussi pour la construction, les meubles, le papier, comme notamment la papeterie Gascogne à Mimizan, construite en 1925. Très bien. C'est-à-dire que Napoléon III tuvo la gran idea de industrializar una zona que no era nada productiva. Voilà. Muy bien. Donc ensuite, je vais parler des ports. Donc, claro, hay que producir, hay que sacar. Voilà. Donc, les ports, peu à peu, se sont ensablés, comme par exemple les ports de Vieux-Boucau, Arcachon, Cabreton, Mimizan. Donc, ce qui a fait que les bateaux de commerce, les gros bateaux, n'avaient plus accès à ces ports-là, ils n'y entraient plus. Donc, c'est devenu un port de plaisance. Donc, on va dire des ports plutôt touristiques. Donc, voilà. Et donc, pour enchaîner avec le tourisme, on peut visiter beaucoup de choses dans les Landes, donc, notamment ces étangs, quelques étangs qui sont restés de ces marécages. Donc les étangs noirs et blancs, donc, par exemple on peut y faire des balades à pied, à cheval. Donc, ensuite dans les forêts, d'autres activités comme l'acrobranche, qui est un parcours dans les arbres. C'est bien pour les enfants. On joue à Tarzan. Voilà, les enfants adorent ça. Alors vous avez dit que ça s'appelle l'acrobranche. Voilà. Très bien. Donc ensuite, les promenades en VTT, avec vous avez des locations dans les campings ou même dans les villes, il y a des boutiques de location de vélos et ouais. des pistes aménagées aussi pour justement pour ces promenades à vélo. Très bien. Voilà. Pues muy bien. Entonces ya la próxima vez vamos a dar un paseo por los bosques de las Landas, ¿verdad? Después del temporal. Muchos han desaparecido, así que a ver si plantan, porque si no volvemos a plantar pinos allí y los propietarios de las tierras deciden poner paneles solares en vez de pinos, a ver qué pasa con el turismo. Ay, señor, ya veremos. Bueno, vamos a escuchar una canción y después ya veremos. Hasta ahora. nous sommes de nouveau avec vous et Gaël va nous parler donc des dunes, las dunas de las Landas. Qu'est-ce que sont las dunas? Alors, les dunes. Donc, dans les Landes, donc vous pouvez trouver des dunes naturelles, mais aussi des dunes construites par l'homme. Alors, parlant de dunes naturelles, vous avez la dune du Pila, par exemple, qui est faite d'une accumulation de sable sur des obstacles. Vous voyez plusieurs couches de plusieurs niveaux en fait dans cette dune. Claro, porque las dunas es una cosa natural, ¿no? Es como en el Sahara, hay una piedra y se hace una duna. Voilà. En pequeño o en grande, según sea, ¿no? Entonces, nosotros nos ha pasado igual. Voilà. La del Pilar es la más natural que conozcamos, pero seguramente ha sido una cosa, pues eso, igual, ¿no? Una piedra y se hizo la duna. Voilà. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? Donc, bon, déjà, je peux continuer sur cette dune du Pilar, qui mesure 106 mètres maintenant de hauteur, donc très touristique, et 3 km de long. Très, très grande. Voilà. Près d'Arcachon. Voilà. Une villa au sud de Burdeos. Dans cette partie de la costa, qui tiene un recoveco allí, pues allí está la duna del Pila. Voilà. Donc ensuite, donc je vais vous parler des dunes construites par l'homme. Enfin, construites, on va dire, se sont inspirées de ce phénomène d'accumulation de sable pour construire ces dunes. Mais à la base, c'est vrai que c'est un processus naturel. Donc, durant les périodes de boisement, en fait, les hommes ont mis des barrières pour protéger les semis et se sont rendus compte qu'au fur et à mesure, le sable s'accumulait contre ces barrières. Et donc, à chaque fois que le sable arrivait en haut de la barrière, il remontait la barrière. Et donc, c'est ça qui a formé des dunes, en quelque sorte. Voilà. Et les premiers essais de dunes, quand est-ce qu'ils ont eu lieu? Quand est-ce qu'on a commencé à penser à faire des dunes? Alors, les dunes, bon, je pense plutôt pour vous parler plutôt de la fixation des dunes. Parce que la fixation des dunes, ça a commencé en 1782. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui se sont dit, tiens, mais on va faire quelque chose avec les dunes. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Napoléon, la idée de Napoléon está muy bien, pero viene porque antes hubo gente que ya se había planteado hacer algo con esa zona, ¿no? Claro. Voilà. Alors, voyez, vous nous parlez de 1782, ça nous place à l'époque de quel roi? Voilà, du roi Louis XVI. Louis XVI, on est à l'époque de Louis XVI. Donc, à l'époque de Louis XVI, que al fin y al cabo, eso tiene mucho que ver con la ilustración, todos los, por ejemplo, los canales de Castilla, todas esas grandes obras que se hacían en los países ilustrados de Europa. Eh bien, nous, en France, on s'est posé la question de faire des dunes, 1782. Voilà, donc cette idée venait de l'ingénieur Brémontier. Donc voilà, il a commencé en 1782, mais à cause de la Révolution, ils ont dû s'arrêter. Oui, bien sûr. Ils avaient autre chose à penser. Donc, certainement. Et puis voilà. Après Napoléon Ier, on a eu aussi autre chose à penser. Donc on a voilà. Continué, et puis et finalement... Donc, ils ont repris en 1817, en 1817. Les travaux de fixation de dunes. Très bien. Voilà, avec la plantation d'Oya, ils ont placé des branchages sur les dunes, côté océanique, et en aval, la plantation de pins et de genêts, toujours pour fixer. Pour fixer, ces dunes. Voilà, très bien. Ça. Voilà. Donc en 1914, on assiste à un abandon de la côte, car la fixation des dunes est achevée. Donc l'État cède des terrains aux communes pour couvrir les frais de travaux de boisement. Donc ces communes se sont servies de ces terrains-là pour créer des fenêtres océanes, c'est-à-dire ouvrir des nouveaux pôles d'urbanisation. Donc ainsi se sont créés donc Mimizan plage, Biscarros plage, Lacano océan, ainsi de suite. Voilà, vous aviez donc des villages qui étaient près de la côte, mais pas sur la côte. Voilà. Y entonces se abrió un camino, claro, y gracias a las dunas, pues aquello estaba fijo, entonces ya se podía hacer un asentamiento turístico. Y eso ya en 1914. Voilà. Ahora llega la guerra, catapum, otra vez a esperar, a ver que se hiciera otra cosa. Y después ya se empezó a asentar el turismo. Donc, voilà. Le tourisme landais, ce n'est pas une invention récente, ça existe depuis déjà un certain temps. Depuis très longtemps, oui. Et donc ce tourisme, je pense que c'est aussi un problème pour ces dunes, parce que bien qu'il y ait des barrières et que ce soit interdit de monter sur ces dunes, les touristes montent quand même. Donc voilà, ça dégrade les dunes, avec aussi, bon, les dangers. Aussi l'érosion quand même des... avec le vent et tout ça, se dégrade aussi naturellement. Bien sûr. Et puis le danger que ça comporte, non? Oui, voilà. C'est très dangereux, mais c'est lo mismo que las montañas, non? Te dice, no vayan fuera de las pistas. Bon, siempre está listo, qui sort des pistes et puis qui déclenche une avalanche. Et après, il faut que la gendarmerie aille le chercher. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour remédier à cette dégradation des dunes, l'ONF, l'Office National des Forêts, remédie à des actions comme placer des branchages sur les dunes ou des filets, ou donc la plantation d'oya. D'oya. Les oya, vamos a decir que es una planta que crece en zona seca y se mantiene con poca humedad, con solo la humedad del mar. Voilà, et qui maintient le sable. Et qui maintient le sable, con sus raíces, tiene unas raíces muy, muy grandes que se extienden y ça retiene la arena. Pues muy bien. Voilà. Gaëlle nous a donné ganas de ir à las Landes. Nous allons aller dans les Landes pour les prochaines vacances. Ça, c'est presque sûr. Mais j'espère bien. Très bien. Alors Gaëlle, merci. Et chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.